السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فنواصل درسنا في دراسة سيرة خير خلق الله نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. Nous poursuivons l'étude de la biographie de la mère des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil usbu' al-madi tahaddathna an 'ismati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa dhakarna li anna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'asamahu min qabl wa min ba'd min tufulatihi أو أول أيامه عليه الصلاة والسلام إلى أن صار نبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Et nous avons vu dans le cours passé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé depuis son enfance. Depuis même sa naissance, il y a eu des signes. Allah tabaraka wa ta'ala envoya les anges afin d'ouvrir sa poitrine, de laver son cœur. Allah tabaraka wa ta'ala, lors de la construction de la Kaaba à son époque, alors qu'il était un jeune homme, l'a préservé de découvrir sa aura sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu qu'il ne s'associait pas à son peuple dans le polythéisme, ni même dans les innovations religieuses, comme le fait de ne pas être sur la place de Arafah le jour de Arafah, na'am, et qu'il ne s'associait pas à son peuple dans les fêtes dans lesquelles il y avait toute forme de dépravation. واليوم أو في هذه الليلة سنتكلم عن أساليب كفار قريش في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل الله تبارك وتعالى. Et après avoir cité combien Allah تبارك وتعالى avait préservé son prophète et messager depuis sa naissance, nous allons voir aujourd'hui tous les moyens entrepris par Kuffar Quraysh pour obstruer la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prêche et son message, et la transmission de son message. On avait également parlé de Bad'ul Wahi et de Maratibu al-Wahi. On avait également parlé du commencement de la révélation et des différentes façons les différentes formes de révélation. Na'am, le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation de plusieurs manières. Na'am. Idhan, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets de Suratu Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, il est devenu prophète. Wa qama bihadhi al-muhimma bi ikhlasin wa sidqin wa ijtihad wa ma 'arafa ar-raha منذ هذا اليوم. Le prophète alayhi salatu wassalam, à partir du moment où il a reçu la première fois la révélation, il n'a plus goûté au repos, na'am, depuis ce jour-là. Il s'est levé et a pris ce message avec sincérité, avec véracité, avec endurance et force, sallallahu alayhi wa sallam, et la plus grande détermination afin de guider l'ensemble des mondes, بإذنالله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين أو عن المشركين. Et à la fin de sourate, vers la fin de sourate Al-Hijr, au verset 93, Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne, selon la traduction, de dire ouvertement ce qui lui a été commandé et de se détourner des gens du polythéisme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce moment, s'est levé et a prêché, a transmis et a été le meilleur des conseillers sallallahu alayhi wa sallam. Naam. العلماء ذكروا لنا وجمعوا لنا هذه الأساليب. Et les savants nous ont cité et ont réuni tous ces moyens entrepris par Quraysh pour empêcher la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans leur maison, d'entrer dans leur foyer, de se propager dans le pays, dans la ville et sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah décrète une chose, lorsqu'Allah veut une chose, elle est inéluctable. Personne ne peut obstruer le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et personne ne peut empêcher la vérité, na'am, de se révéler, de se propager. À l'image d'une personne qui essayerait d'empêcher le soleil de briller. À l'image d'une personne qui essayerait d'empêcher le soleil de briller. أولاً من أساليب المشركين في محاربة الدعوة. Premièrement, parmi les moyens entrepris pour combattre le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, اللجوء إلى أبي طالب عمه وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, ils se sont dirigés vers l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, et vers les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il l'empêche de parler. Na'am, afin qu'il l'empêche de parler et qu'il délaisse ce message. فاجتمعوا وذهبوا الى ابي طالب. Ils se sont donc réunis et sont partis voir Abu Talib en lui disant: inna ibn akhik qad sabba alihatana wa shatamana wa aba'ana wa safaha ahlamana. Ils sont partis voir Abu Talib et lui ont dit: ton neveu a insulté nos divinités, il nous insulte, il dénigre nos ancêtres, il parle en mal de nous, il remet en cause la voix de nos ancêtres. Et ils ont cité plusieurs choses afin de faire bouger les sentiments de Abu Talib. Il a rendu égaré nos parents, donc fais en sorte de l'arrêter. Abu Talib a parlé à son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a transmis ce message. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme sur ses positions. Et il y a un hadith qui est célèbre et répandu, dans lequel il aurait dit sallallahu alayhi wa sallam: ya am, ô mon oncle, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أن أموت دون ذلك. Il y a un hadith célèbre et répandu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette réponse à son oncle: ô mon oncle, s'ils avaient la capacité de mettre le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'aurais pas délaissé ma mission, je n'aurais pas délaissé la transmission de ce message jusqu'à ce qu'Allah fasse qu'on prenne le dessus, ou jusqu'à ce que je décède dans cette situation. Ce hadith est connu, il est célèbre. لكن لم يصح بهذه الألفاظ. Mais il n'est pas authentique. Mais il n'est pas authentique en ces termes-là. Et la kinsaha, mais ce hadith est venu de manière authentique dans d'autres termes. C'est que ils ont envoyé donc une délégation voir Abu Talib pour lui parler de son neveu. Na'am, et ils lui ont exposé la situation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, Abu Talib là lui a transmis ce message. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a pleuré. ورفع بصره إلى السماء. Puis il a levé son regard vers le ciel. Puis il a dit: أترون هذه الشمس. Puis il a dit: voyez-vous ce soleil? Voyez-vous ce soleil. Fama ana bi aqdara ala an ad'a dhalik. Puis il a dit, je n'ai pas plus la capacité de délaisser mon message. Bi aqdara ala an ad'a dhalik minkum ala an tashta'ilu minha shu'latan. Il leur a dit, je n'ai pas plus la capacité de délaisser ce message que vous avez, vous, la capacité de prendre une partie de ce qui émane de ce soleil. Tout comme vous, vous n'avez pas la capacité de prendre de ce soleil, je n'ai pas, moi, la capacité de délaisser ce qu'Allah m'a commandé en tant que prophète et mission. Alors Abu Talib a dit à Quraysh de le laisser tranquille et de le laisser en paix, et qu'il n'a jamais connu de lui le mensonge. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé Abu Talib par l'amour de son maître. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des enfants, le plus attachant, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers, le meilleur des époux, des pères, des enfants et ainsi de suite, des neveux. Et sans aucun doute, celui qui a une personne avec ce caractère-là dans son entourage ne peut que l'aimer. Et Allah Azza wa Jalla a éprouvé Abu Talib par l'amour de cet enfant-là. Naam, un amour qui est naturel. La mahabba tabi'iyya, pas la mahabba diniyya, pas l'amour en Allah, pas l'amour religieux pour lequel tu es récompensé. Naam, pour lequel tu es ressuscité sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet amour pour lequel Allah Azza wa Jalla t'appelle yawm al-qiyamah. Naam, pour te récompenser, pour te préserver. Non, ça c'est l'amour naturel. Ça c'est l'amour naturel. Comme l'amour que peut avoir l'enfant pour ses parents alors qu'ils ne sont pas sur l'islam, ou l'amour des parents pour l'enfant alors que l'enfant n'est pas sur l'islam. Ça c'est une mahabba tabi'iyya. C'est un amour naturel. Mais ça n'était pas un amour religieux. C'est pour cela qu'il n'a pas embrassé sa religion. Et certaines personnes de science ont cité que parmi les sagesses du fait que Abu Talib n'a pas embrassé la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car s'il s'était converti, naam, s'il avait embrassé l'islam, il n'aurait plus sa place, naam, et son caractère de notable au sein de Quraysh. Alors il n'aurait pas pu être utile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du fait qu'il était sur la même religion qu'eux, naam, et que c'était un noble de Quraysh, il lui vouait beaucoup de respect. Ils écoutaient sa parole et il a pu donc ainsi, par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, être très profitable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-usloub al-thani, la deuxième forme de combat menée contre le prêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été al-ittihamat wa taqawwul. Ça a été les accusations mensongères, naam, faites à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, par exemple, qalu majnoun. Ils ont dit, par exemple, majnoun, tu as perdu la raison. Ils ont dit qu'il est fou, il est possédé. Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikr, innaka la majnoun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au début de sourate Al-Hijr, et ils, selon la traduction des sens du Coran, et ils disent, ô toi sur lequel a été révélé le rappel, tu es certes fou. Naam, tu es certes fou. Donc ils ont propagé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était un homme qui avait perdu la raison. Pour quel est le but dans ça? Si tu sais que la personne a perdu la raison, tu ne vas pas écouter sa parole. Tu ne vas pas écouter sa parole. Comme ils n'avaient pas les armes pour réfuter cette vérité étincelante, ils se sont repliés sur cette méthode qui est la méthode des détracteurs, des gens de la vérité. Le fait de mentir sur eux, le fait de les accuser, le fait de jeter des suspicions. Et dans Sourate Al-Qalam, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Et ils disent, il est fou. فَرَدَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ. Allah Azza wa Jalla les a réfutés dans Sourate Al-Qalam au début. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tu n'es point par le bienfait de ton Seigneur une personne qui a perdu la raison. Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté cela Naam, en appuyant de plusieurs formes d'éloquence dans la langue arabe. Naam, vous revenez à surat, au début de la surah. Naam, vous verrez qu'Allah Azza wa Jalla a appuyé cela de plusieurs manières. De plusieurs manières. Avec certains huruf, avec al-qasam et d'autres formes. Deuxièmement, sous ce même chapitre, qalu sahir, ils ont dit c'est un sorcier. Ils ont dit c'est un sorcier. Qala Allah, وَعَجِبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Au début de Sourah Sad, ils s'étonnent qu'un avertisseur d'entre eux soit venu. Et les mécréants ont dit, voici un sorcier grand menteur. Voici un sorcier grand menteur. يَعْنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَمِينَ. Et ils entendent par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans surat al-Furqan, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dans surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction des sens, et les injustes, ou bien na'am, disent, vous ne faites que suivre un homme ensorcelé. Vous ne faites que suivre un homme ensorcelé. Il disait qu'il commettait de la sorcellerie de plusieurs manières. Parmi ces manières, le fait qu'à travers ses paroles, il séparait entre le père et son fils, entre la femme et son époux, entre le frère et sa sœur, entre les frères de sang. Car lorsqu'il appela à cette vérité, certains répondaient à cet appel qui est l'appel d'Allah. Il renonçait à l'adoration d'autre qu'Allah, il reniait le droit à l'adoration pour autre qu'Allah. Et affirmait que le seul qui était en droit d'adorer était Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y avait une division au sein du foyer. Ainsi il disait, il commet du sihr. Regardez comment il a divisé entre les gens. Naam, en cela il l'accusait d'être un sorcier. Wa qalu kadhib wa kadhab. Et ils ont également dit que c'était un menteur et un grand menteur. Wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab. Comme on l'a cité au début de surah Sad. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَى وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Au début de surah Al-Furqan. Et ceux qui ont mécru disent, ceci n'est qu'un mensonge qui a été inventé et il a été aidé par d'autres personnes. Troisièmement, sous ce même point, ils l'ont accusé. يعني قالوا هذا من كتاب وجده أو من كتب سابقة. Ils ont dit ces paroles émanent d'un livre qui fait partie des livres anciens. Naam, ça n'est pas la révélation de son Seigneur, mais c'est plutôt un livre contenant naam des paroles anciennes ou les livres anciens. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. Toujours dans sourate al-Furqan. Toujours dans Surat al-Furqan, ils ont dit que ceci était tiré de livres anciens. Et on ne fait que lui dicter le matin et le soir. Parmi ce qu'ils ont utilisé toujours ici, قالوا إن القرآن ليس كلام الله بل إن هو إلا قول البشر. Ils ont dit que le Coran n'était pas la parole d'Allah. Subhanallah. الويل على أهل البدع هذا كلام المشركين سبحان الله malheur aux gens de l'innovation الذين لم يقولوا بما قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. Le Coran est la parole d'Allah. Et ici, subhanallah, dans ce verset, ou bien ici dans ce point, ils nous disent que ce n'est pas la parole d'Allah. Et subhanallah, certains égarés parmi les musulmans disent qu'il n'y a pas parmi les attributs d'Allah le kalam, la parole. El kalam. Ils disent qu'Allah ne parle pas. Na'am. Wa hadha qawlun 'azim. Et ça, c'est une parole très grave. Na'am. Parce que la parole, c'est un attribut de perfection. El kalam, sifatu kamal. Naam. Alors que le fait d'être muet, ça c'est une imperfection. Ça c'est une imperfection. Et ces gens-là ont une ressemblance avec Kuffar Quraysh. Avec Kuffar Quraysh, on dit que le Coran n'était point la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Et nous savons très bien qu'ils disent que c'est un homme qui lui enseigne. Lisanu alladhina yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Dans sourate An-Nahl, verset 103, et nous savons bien qu'ils disent ça n'est qu'un homme qui lui enseigne. Naam, ils ont renié le fait que ce soit la parole d'Allah, mais que c'était un homme qui lui enseignait en cachette. Un autre point est sukhriya wa l'istihza. Naam, le point suivant, la moquerie et le dénigrement. Ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont tenté de le rabaisser. Et Allah nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wadduha wal-layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tabaraka wa ta'ala réservé, repoussé tout le mal qu'ils ont essayé de faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa 'inda al-Bukhari anna imra'atan قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسخر منه إني لأرجو أن يكون شيطان قد تركك. J'espère. Donc une femme a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم parmi les femmes des polythéistes et a dit, yani ça fait trois jours, ou bien elle a dit, j'espère que ton diable t'a délaissé, s'est éloigné de toi. En faisant référence à Jibril, wa al-iyadu billah. Lam arahu qad qarrabaka mundhu laylatayn aw thalatha. Puis elle a dit, car je remarque qu'il ne t'a pas approché depuis deux nuits, voire trois. C'est-à-dire, le prophète sallam n'est pas venu transmettre durant ces nuits. Jibril ne lui était pas venu. Donc elle lui a dit, pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que ton diable t'a délaissé, car je remarque qu'il ne t'est pas venu depuis deux ou trois nuits. فأنزل الله سبحانه وتعالى الله donc révélé بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. Aussi الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran, وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Et lorsque ceux qui ont mécru te rencontrent, ils te prennent en raillerie. Voici, est-ce lui qui cite vos divinités, c'est-à-dire en mal, alors qu'il mécroit au tout miséricordieux. Ya Ar-Rahman. Wa qala subhanahu, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Dans Surat Al-Mutaffifin, après le verset 29, les criminels, lorsqu'ils rencontraient les croyants, se moquaient d'eux, riaient. Wa idha marru bihim yataghamazu. Naam. Et lorsqu'ils les croisaient, ils clignaient des yeux, pour les prendre en raillerie et pour se moquer d'eux. Les criminels riaient de ceux qu'ils croyaient, de ceux qui croyaient, des croyants de Ahlul Iman. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Comme lorsque deux personnes marchent ensemble et veulent se moquer d'une autre personne. Naam, se moquer d'une autre personne. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. نعم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وإذا مر بهم سخروا منه. Et par moment le prophète صلى الله عليه وسلم allait faire le tawaf. Et lorsqu'il arrivait à leur niveau, il se moquait de lui. Et il prononçait de mauvaises paroles. وكانوا يقولون بأنه يجالس الضعفاء والسفهاء. Et il disait également, il prend place aux assises des faibles, des pauvres et de ceux qui ne sont pas doués de grandes raisons. Il visait par cela l'élite, en réalité des serviteurs d'Allah et des awliya d'Allah tabaraka wa ta'ala, des serviteurs rapprochés, comme qui? Comme Bilal radiallahu anhu, comme Suhaib radiallahu anhu, na'am, et d'autres parmi les compagnons comme Khabbab et bien d'autres compagnons. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah tabaraka wa ta'ala a donc révélé dans Surat Al-An'am, le verset 52, وَلَا تَطُرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a consolé son prophète et messager en lui révélant du Coran. Car la meilleure consolation, le meilleur remède pour les cœurs, le meilleur remède de manière absolue pour les cœurs, pour les corps, pour toutes choses, c'est le Coran al-Karim. تلاوة وتدبرا وتفقها فيه وعملا به ودعوة إليه. نعم. Le Coran, c'est la meilleure guérison. Que ce soit dans la lecture, que ce soit la méditation, que ce soit l'étude, le tafsir, la mise en pratique, le fait de se soigner avec, se faire ruqya. نعم. C'est la meilleure chose qu'Allah Azza wa Jal nous ait donnée. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون. Dans Surat Al-An'am, le verset 65, on nous dit selon la traduction, et on a pris en moquerie des messagers avant toi, et par la suite ils ont été touchés de ce pourquoi ils se moquaient. Allah Azza wa Jal ici informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas le premier, qu'il n'est pas le seul à avoir vécu cela. Mais les messagers avant lui aussi ont été éprouvés par cela, ont été touchés par cela. Et lorsque tu sais que tu n'es pas seul dans un mal ou dans une épreuve, ça t'est plus facile à supporter. وَمِنْ أَشَدِّهِمْ تُغْيَانًا عَلَى الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْوَلِيدِ ابن المغيرة وَعَمُّهُ أَبُو لَهَبْ نَعَمْ وَآخَرُونَ. Et parmi ceux qui étaient ses ennemis les plus déterminés à lui nuire, il y avait Al-Walid ibn al-Mughira, il y avait Al-As ibn Wa'il, na'am, il y avait Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ibn Mu'ayt, j'ai oublié son prénom, celui qui a étranglé un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Umayya ibn Khalaf et beaucoup d'autres. Car ceux qui avaient de l'inimitié à son égard n'étaient pas au même niveau, au même degré. Naam, ils n'étaient pas au même niveau, ni au même degré. Quatrièmement, min al-asalib at-tashwish. Quatrièmement, at-tashwish. Ils ont utilisé, at-tashwish, c'est l'embrouillement, le fait de brouiller les pistes, le fait de propager des choses qui vont empêcher d'écouter la vérité. Ou le fait de faire du bruit lorsqu'il récitera le Coran. Ou le fait de faire une fitna lorsqu'il essayera de propager le bien. Na'am. Et subhanallah, al-azim, al-hakim. Lorsqu'on étudie al-sira, na'am, on dirait que les innovateurs, ceux qui combattent al-sunnah, ont étudié la biographie des associateurs qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Et ils ont reproduit une partie de cela pour tenter d'éteindre la da'wa et la tawhid, la da'wa et la sunnah. On dirait qu'ils ont étudié la sira, na'am, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, mais plutôt de kuffar Quraysh, pour ensuite utiliser la même chose. N'est-ce pas qu'ils disent de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin ou autres, annahum mujassima, ou Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim ou autres, n'est-ce pas qu'ils disent qu'ils ont fait ressembler Allah, ces créatures, en disant qu'il a les membres comme eux, et ainsi de suite, alors que ça n'est que mensonge. N'est-ce pas qu'ils disent qu'ils rendent mécréants les musulmans, Non. N'est-ce pas qu'ils disent qu'ils parlent sur l'honneur des musulmans? Non. N'est-ce pas qu'ils parlent sur Mahda, par exemple à notre époque, ceux qui sont décédés chez Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, ou bien chez Hamad Al-Ansari, ou bien Al-Allama Al-Albani, Al-Muhaddith Al-Mashhur, ou bien chez Salih Ibn Uthaymin, ou bien Samahat al-Sheikh Mahda Ibn Baz, Rahimahum Allah, ou bien à notre époque, parmi les contemporains qui sont vivants, le Mufti Cheikh Abdel Aziz Ali Sheikh, ou bien Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ou bien Cheikh Rabi Ibn Hadi, ou ceux qui sont décédés, Cheikh Ahmed Najmi, et avant ça, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Al-Allama, Al-Da'ya, Al-Kabir. Naam. Il parle sur tous ces gens-là, ces montagnes de science, ces imams de l'islam. Pourquoi? Car ils ont pris le Coran, et ils ont récité le Coran. Car ils ont pris la sunna, ils ont récité la sunna. Ils ont trouvé dans les textes que la ilaha illallah signifiait la ma'bouda bihaqin illallah. Alors ils ont exposé cela aux gens. Ils leur ont dit arrêtez d'adorer qu'Allah. Arrêtez de vous rendre auprès des tombeaux. Arrêtez de rechercher l'aide et le secours auprès d'autres qu'Allah. Délaissez les gris-gris et les marabouts. Et les friches et les sorciers. Dirigez-vous vers Allah. C'est lui qui guérit lorsque vous êtes malade. Et si vous l'invoquez, il vous répondra. Ils n'ont fait que propager ce qu'on trouve dans le Coran, dans la sunna. Et lorsqu'ils ont vu des gens prêcher à l'innovation, ils les ont conseillés, ils ont mis en garde contre ce mal, car ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre cela, car ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti de ces innovateurs qui allaient venir et diviser la communauté, affaiblir la communauté, essayer de tromper les croyants, na'am, qui n'ont pas étudié cela, qui n'ont pas étudié la méthodologie des pieux prédécesseurs, et faire passer la critique et la réfutation et le blâme comme médisance. Na'am, et comme personne qui divise la communauté, et comme personne qui ne veut pas le bien pour la communauté, alors qu'ils n'ont fait que mettre en pratique l'héritage des prophètes et des messagers. Ils n'ont fait que mettre en pratique ce qu'ont fait les compagnons, puis ceux qui les ont suivis avec excellence par la suite. Na'am, ils disent de nos ulama, de nos savants, qu'ils sèment le trouble, qu'ils critiquent, qu'ils classifient et autres. Na'am, et qu'ils qu'il distingue entre les gens. Subhanallah. N'est-ce pas que parmi les noms du Coran, il y a le Furqan? Que signifie le Furqan? Ma ma'ana le Furqan? Il y a une sourate qui s'appelle le Furqan. Et parmi les noms du Coran, il y a le Furqan. Le Furqan, ça veut dire le discernement. La distinction. Le Coran a été révélé pour distinguer, pour discerner entre le haq et le batil. Naam. Et dans sourate al-Fatiha, Allah Azza wa Jalla a distingué, a classifié, a séparé entre les gens du haq et les gens du batil. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ça c'est les gens du haq. Ahlul ilm wal-amal bi'ilm. Comme a dit Cheikh Hamad al-Ansari al-Allama, al-Muhaddith. Naam. Ça c'est les gens qui ont pris la science et qui l'ont appliquée. La deuxième partie, ghayril maghdubi alayhim. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui ont eu la science et ne l'ont pas appliquée. Wala baalil, c'est la troisième catégorie. Ceux qui n'ont pas eu la science sont donc égarés. Hada, kalamullah. Ça, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si on continue, na'am, à sortir ainsi du sujet, on continue en surat al-Baqarah. On continue en surat al-Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim, alif lamim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. Qui sont ces gens-là? Les croyants. Ensuite, إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Qui sont ces gens-là? الكفار. Ensuite, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Qui sont ces gens-là? المنافقون. هذا كلام ربنا عز وجل. Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Ça, c'est la parole de notre Créateur. Il nous cite que les gens également se divisent en trois d'un autre point de vue. Les croyants, les non-croyants et les hypocrites. Ceux qui ont montré l'iman et qui l'avaient en eux, ce sont les croyants. Ceux qui ont montré l'iman mais qui ne l'avaient pas en eux, ce sont les munafiqoun. Et ceux qui n'ont pas montré l'iman car ils ne l'avaient pas en eux, ce sont les kuffar. Ça, c'est l'héritage des prophètes et des messagers. Mais ils arrivent à tromper ceux qui n'ont pas étudié. Ils arrivent à tromper ceux qui n'ont pas étudié. Ils voudraient qu'on se taise sur les gens du faux. Ils voudraient qu'on laisse les gens du faux propager. Et subhanallah, lorsqu'il y a des gens qui mentent, qui trompent, qui trichent, ils ne disent rien. Et lorsque les gens de Ahlus Sunnah, les gens du Haqq, exposent ce qu'il y a dans le Coran et la Sunnah, ils disent, ils font de la fitna. Ils divisent. Ils disent des choses qu'on ne n'avons pas entendues. Et en étudiant As-Sira, tu te rendras compte que toutes ces formes-là, na'am, ils les ont héritées de mauvaises personnes. Et toi, tu te dois d'étudier, d'apprendre et de réfuter cela. Car si tu n'es pas armé avec science, na'am, tu vas recevoir ces ambiguïtés. Tu vas écouter les gens du faux. Et si Allah ne te préserve pas, tu vas t'égarer du chemin sur lequel étaient nos pieux prédécesseurs. Wabillahi tawfiq. Je m'étale sur cela, pourquoi? Car on me rapporte des ambiguïtés. On me rapporte des ambiguïtés et ils prennent une partie de la jeunesse de par leur ignorance ou de leur bonne intention. Donc nous avons l'obligation d'exposer ces choses-là. Nous avons l'obligation d'exposer ces choses-là et d'expliquer avec les preuves, pas avec le langage de rue. Non, avec les preuves, en montrant les preuves du Coran, en montrant les preuves de la Sunna. Ainsi, tu auras cela entre tes mains et tu pourras te préserver de ces ambiguïtés. Wallahu al-musta'an. Donc ils ont utilisé at-tashwish. Ils ont utilisé l'embrouillement. Qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, il frappait des mains. Il sifflait. Il faisait du bruit. Il s'amusait près de lui. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas écouter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils avaient conscience et connaissance de la puissance du Coran et de l'effet du Coran dans leur cœur. Pourtant ils disaient que ça n'est pas la parole d'Allah. Pourtant ils ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais hadhihi mukabara minhum. Mais ça n'était qu'orgueil et rejet de la vérité étincelante de leur part. قال الله سبحانه وتعالى dans sourate Fussilat, قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dans sourate Fussilat, au verset 26, et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut lors de sa récitation afin d'avoir le dessus. Donc parmi ce qu'il faisait, l'embrouillement. Aussi, parmi ce qu'il... Donc le point suivant, طلب المعجزات تعنتا. Là, ماذا طلبا للهداية. Parmi ce qu'il faisait, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apporter des miracles s'il est véridique, pour montrer sa véracité. Mais est-ce qu'il demandait des miracles pour croire en lui, pour rechercher la guidée? Non, juste pour le mettre dans la gêne. Non, juste pour le mettre dans la gêne et pour le résoudre ou le faire se résoudre à l'incapacité. L'incapacité. Et afin qu'il démontre qu'il n'est pas un homme comme les autres. Parmi ceux qu'ils ont dit, Mani hadha ar-rasul la ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq law la unzila alayhi aw ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha. Dans sourate Al-Furqan, versets 7 et 8, et ils disent, qu'est-ce donc ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on pas fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger? Les gens, les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. C'est-à-dire, qu'ils lui demandent de venir avec un miracle. Et s'il avait été réellement un messager, na'am, s'il avait été réellement un messager, il n'aurait pas eu le caractère humain. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu besoin de manger, par exemple. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté tout cela. Dans sourate Yunus, aussi dans sourate Yunus, le verset 15, ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. Apporte un autre Coran ou bien change-le. Apporte un autre Coran ou bien change-le. Allah Azza wa Jalla les a réfutés. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Et a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. نعم والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يقولون ما لكم تردون ردود ردود ردود. نعم. Et ceci nous rappelle une parole que certaines personnes de l'innovation ou bien des gens ayant des ambiguïtés prononcent, na'am, pour détourner, embrouiller certaines personnes de l'Ahl Sunnah n'ayant pas étudié. Ils disent, qu'avez-vous donc à réfuter avec vos réfutations, toujours des réfutations, réfutations, réfutations? Allah subhanahu wa ta'ala ici a réfuté Kuffar Quraysh. Et a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se taire devant le batil, mais plutôt de les réfuter. Walita sabina sabilul mujrimin. Afin que le chemin du vrai, le chemin de la vérité soit distant. فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرِ وَلَكِنْ إِنَّ أَعْتَذَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. هذا للتهديد ليس للتخيير. نعم. الله سبحانه وتعالى ne laisse pas le faux se répandre. نعم. Mais on envoie plutôt la vérité sur le faux afin que le faux disparaisse. Dans Sourate Al-Isra, du verset 90 au verset 94, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِلَى آخِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ. Ils ont demandé, ou plutôt, ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de la terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Naam. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment est-ce qu'ils se sont comportés envers le prophète Hassan. On ne va jamais croire en toi, sauf si tu ramènes tel miracle, une source d'eau, naam, ou bien un livre directement qu'on pourrait lire nous-mêmes, ou tu fais descendre Allah, ou bien tu fais descendre les anges. Wahakada. Pas pour croire. Naam, tout ça pour obstruer le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ça pour obstruer le chemin du Coran et de la Sunna, mais n'en déplaise aux détracteurs de la vérité. Qul jaa al-haq wa zahaq al-batil. La vérité est venue et le faux a disparu. Et maintenant dans le recueil d'Imam al-Bukhari, l'histoire d'Inshiqaq al-Qamar, l'histoire de yani, lorsque ils ont demandé à Allah, au prophète sallam, si tu es véridique, vois-tu cette lune? Fais en sorte qu'elle se fende en deux. Que s'est-il passé? Allah tabaraka wa ta'ala a fendu l'air. Naam. Et a révélé du Coran à ce sujet. Est-ce qu'ils ont cru pour autant? Pour que vous sachiez qu'ils n'ont pas demandé ces signes pour croire. Pour avoir la guidée. Non. Et c'est pour cela que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce signe manifeste, naam, et ils ont dit c'est de la sorcellerie. Allahu Akbar. Ils demandent un signe et ensuite ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne recherches pas la vérité, même si on te pose des livres du sol jusqu'au plafond, tu ne vas pas croire. Lorsque tu ne cherches pas la vérité, naam, la tuwaffaq. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir une bonne intention et rechercher la vérité et se voir pauvre et dans le besoin de cette guidée. Ne jamais se dire, moi je suis, yani, alhamdulillah, moi je suis à la sunnah et je connais le haq et je ne peux m'égarer. Non, je ne peux m'égarer. Non. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadait. Fastahduni ahdikum. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Wa laula an thabbatnaka. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah Azza wa Jal s'adresse à son messager, la meilleure des créatures, et lui dit, selon la traduction des sens du Coran, que s'il ne l'avait pas affermi ou raffermi, naam, il s'en faudrait de peu, ou s'en est fallu de peu pour qui? Qu'il s'égare quelque peu de ce chemin-là. Tout le monde a besoin de l'affermissement, tout le monde a besoin de demander à Allah Azza wa Jal la guider. Mais il faut être véridique lorsque tu cherches l'haq. Combien de nos frères, parmi les innovateurs, sont venus chercher la vérité? Parce qu'ils ont grandi dans cela, ils ne connaissaient pas. Et lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah, lorsqu'ils ont entendu les paroles du prophète sallam, ils ont entendu les paroles des compagnons, ils ont entendu la parole des ulama, ils ont reconnu la vérité parce qu'ils étaient véridiques. Ils cherchaient la vérité. On connaît des gens, subhanallah, qui étaient loin dans le batin. Qui étaient loin dans le batin. Mais ils ont été véridiques. Et Allah Azza wa Jal par la suite les a guidés. Naam. Et l'histoire de Salman al-Farisi n'est pas loin de nous. On passe à un point suivant. ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de délaisser une partie de sa da'wah. Yani, ils ont demandé un compromis. Ils ont demandé un compromis, un arrangement. Naam. Yani, si tu ne veux pas délaisser complètement ton message, au moins délaisse ça, délaisse ça, délaisse ça, et on te donnera ça, et on te donnera ça. Naam. Et ça, c'est encore une des tariqas de qui? Ahlul Bid'a. Ça, c'est une des méthodes utilisées par qui? Par les gens d'innovation. Lorsqu'ils n'ont plus de force avec toi. Naam. On revient au premier cas. C'était quoi le premier cas, si vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé en premier? Ils sont partis voir qui? Abu Talib. Wallah, ils sont partis voir nos parents. Wallah, ils sont partis voir nos parents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir tes parents. Et ils disent, attention, ton fils, je l'ai vu avec telle communauté. Attention, il va lui arriver des problèmes. Attention, il parle de cela en public, c'est dangereux. Puis les parents te convoquent et ils te disent pourquoi. Yani, est-ce que tu manques de respect aux gens? Non, je ne manque pas de respect aux gens. Mais ils disent et ils disent. Ils disent oui, mais la vérité c'est ceci et cela. Et c'est enregistré, voici ma parole. Ensuite ils reviennent. Attention, il va être touché d'un mal. Attention, il va être touché d'un mal. Et là ils commencent à rentrer dans Al-Aqaïd al-Batil al-Fasida. Comme ont fait le peuple de Houd et d'autres peuples. C'est-à-dire qu'ils leur font peur des fausses divinités. Ils leur font peur des Sahara. Ils leur font peur des marabouts. Il va être touché par. Il va être touché par. Alhamdulillah, nahdu bi khayr wa afiyah. Wallahu ghalibun ala amri. Naam. Walhaqu ya'lu wa la yu'la alayh. Lorsqu'ils n'arrivent pas à cela, ils n'arrivent pas à faire cela, naam, alors ils disent, il a perdu la raison. Lorsqu'il n'arrive pas à faire cela, alors il se moque. Alors il essaie de faire la fitna, et ainsi de suite. Mais si toi, tu gardes le comportement que tu as hérité de tes pieux prédécesseurs, al-sabr, wal-ilm, wal-thabat, wal-hazm, wal-azima, la yadurrukum illa ala. Ils ne pourront te faire aucun mal, si ce n'est quelques nuisances. Naam, si ce n'est quelques nuisances. Ils vont essayer de t'insulter en public pour que tu perdes patience. Et si tu perds patience, ils vont dire, regardez le comportement qu'il a. Naam. Alors qu'il était en train de t'insulter avant. Personne ne fera attention à ces insultes-là. Ils vont faire attention à ta réponse. Donc toi qui représentes la sunna, tu n'as pas le droit à ce qu'a le droit autre que toi. Tu te dois d'être endurant, d'être patient. Ils vont mentir sur toi, ils vont parler sur toi. S'ils arrivent à parler même sur tes enfants, ils vont le faire. S'ils arrivent à rentrer dans ton foyer et à citer des choses, peu importe, vraies ou fausses, ça n'est pas grave. Et le but, c'est de changer ton image et doter la confiance que les gens peuvent avoir en la véracité de tes propos. Tout cela, tu dois en être clairvoyant. Et en étudiant les sirah, ton prêche sera qawi. Ton prêche sera fort, car il sera basé sur l'ilm. Naam. Il sera basé sur la connaissance. Waddu law tudhinu fayudhinu. Dans suratul qalam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Naam, on fait un compromis. Tu laisses un peu, je laisse un peu. Al-haq, il ne se laisse pas. Yani, mathalan, quelqu'un vient, ils disent, ils vont trop à la mosquée, 5 fois par jour, c'est trop. Regarde, le voisin, il prie chez lui, c'est un bon musulman pourtant. Ou bien il dit, mon père, c'est un meilleur musulman que toi, pourtant il prie à la maison. C'est trop, al-fajr, al-dhahr, al-asr. Yani, toujours masjid, masjid, masjid. Ad-din yusr, ils disent, la religion, c'est la facilité. Oui, la religion, c'est la facilité, parce qu'à la base, c'est 50 prières. On nous a allégé à 5 prières. C'est la facilité. Naam. Et lorsqu'on fait le wudu et on marche, on va au masjid, pour chaque pas, Allah Azza wa Jal, parce qu'on veut la salat, il nous efface un péché. On nous inscrit une récompense. On nous efface des péchés. Subhanallah, c'est la facilité. En effet. On vient, on écoute le Coran. C'est la facilité. Ça remplit les cœurs de iman, de plaisir, de joie et de bonheur. C'est la facilité. Sahalala, c'est la facilité. Lorsque tu es au masjid et qu'il y a des problèmes dedans, tu n'es pas dans ces problèmes. C'est la facilité. En effet, c'est la facilité, mais de cette manière. Naam. Où ils disent, pourquoi vous portez du noir? Ils disent aux femmes, vous portez du noir ou des couleurs sombres. Naam. Vous êtes libre, vous pouvez sortir. D'accord, la femme, elle répond, oui, je suis libre et je fais le choix de rester chez moi. Ah là, ça, non. Elle n'est plus libre. Oui, je suis libre et je fais le choix de me voiler. Ah là, non. Si elle est libre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de rester dans son foyer? Si elle est libre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit d'être une princesse chez elle et c'est le mari qui sort et qui se fatigue et qui ramène la subsistance à la maison. Et elle, elle est tranquillement chez elle et elle s'occupe de ses enfants. Si elle est libre, pourquoi elle n'est pas libre d'être une femme au foyer? Donc en réalité, vous ne voulez pas qu'elle soit libre. Vous voulez qu'elle soit dans vos filets. Vous voulez qu'elle soit dans vos filets et faire d'elle ce que vous voulez, comme vous avez pu le faire avec d'autres. Ça, elle est là. Hada huwa. Naam. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils veulent que tu délaisses une partie du haqq. Mais en réalité, ils veulent que tu délaisses tout, mais ils savent que si tu flanches un peu, alors la suite ne sera que plus facile. C'est pour cela que lorsqu'on voit la personne ferme, on abandonne avec lui. On abandonne. Mais lorsqu'on voit que il délaisse un peu, alors on sait que cette personne peut faiblir. On sait que cette personne peut faiblir. Wallah al-musta'an. Par la suite, Allah Azza wa Jalla a élevé l'islam et les musulmans par la conversion de certaines têtes chez Quraysh, comme la conversion de Hamza ibn Abi Talib, comme la conversion de Hamza radiallahu anhu, comme la conversion de Omar. Naam. Et aussi, quand ils n'ont pas réussi avec tout ce qu'on a cité avant, ils ont dit on va aller trouver Mohammed et on va lui demander qu'est-ce que tu veux. Et on lui donnera tout ce qu'il veut pourvu qu'il délaisse ce message. Et ça, c'est encore une autre méthodologie des gens de l'innovation. C'est qu'ils te voient dans le besoin, dans la pauvreté, ils te disent viens avec nous, nous krimk. Nous krimk. Parce que c'est chart. Hein, faut qu'il soit majzoum. C'est quoi le chart? Hein? In ta'tina nous krimk. Hein? Si tu viens avec nous. In ta tahazzab. Hein? Si tu deviens sectaire, si tu aimes pour nous et détestes pour nous, naam, si tu aimes pour nous et tu détestes pour nous, si tu te tais sur le faux sur lequel nous sommes et tu montres du doigt tout ce qu'il y a sur les autres, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent de l'argent. Tu n'es pas marié? Ils te marient. Tu n'as pas de voiture? Ils te donnent une voiture. Et ensuite, va parler sur lui. Maintenant qu'il t'a tiré avec le qalb. Parce que le cœur, tout naturellement, il se dirige vers celui qui lui fait du bien. Sahalala. Le cœur, tout naturellement, il se dirige vers celui qui lui fait du bien. C'est pour ça que lorsque les gens de l'innovation souhaitent que tu te taises, ils te font des cadeaux. Ils te font des cadeaux. Ils te donnent. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs n'acceptaient rien des gens de l'innovation. Non? Parce qu'après, lorsque tu vas parler sur lui, il va dire, mais je t'ai donné ça, je t'ai offert ça, je t'ai... Oh, cadeau. Non? Donc... Ils te donnent, ils essayent de te soudoyer. Ils essayent de te soudoyer. Ils regardent ce dont tu as besoin et ce que tu aimerais. Et ils font en sorte de te le donner. Et Ahlul Bida'a, les gens de l'innovation, ils ont beaucoup d'argent. Naam, ils ont beaucoup d'argent. Taillé. Parce qu'ils entreprennent des choses qui amènent les fidèles à donner de l'argent pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis ils utilisent cet argent, par exemple, pour aller faire des hôpitaux. Ils vont dans un endroit qui est pauvre, ils font des hôpitaux, par exemple. Naam, ils font des puits. Et ils font des écoles. Et ils font des écoles. Et ils disent, venez étudier chez nous, c'est gratuit. Et ils te donnent même une bourse. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? At-tashayyu'. Ils enseignent, par exemple, le credo chiite. Naam, ou bien l'asha'ira. Ou bien le mu'tazila, le maturidiya. Ou naqashbandiya, ou soufiya, ou autre. Naam. Et ils utilisent toutes ces manières-là. Fatabassar ayyuha sunni. Donc sois clairvoyant, toi qui suis la sunna. Naam. Wa la yakhdhulka mithlu ha'ula. Ne te fais pas tromper par ces personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont venus le voir, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-nous tout ce que tu veux, on te le donnera, et tu délaisses ce message. Il leur a dit, uridu minkum kalimatan wahida. Il a dit, je veux de vous, j'attends de vous une seule parole. J'attends de vous une seule parole. Tamlikuna biha al-arab wa tudinu lahum biha al-ajam. Si vous prononcez cette parole, naam, vous allez avoir la suprématie et posséder l'ensemble des arabes. Et les non-arabes seront près de vous. Fafazi'u li qawli. Ça les a perturbés, cette parole les a perturbés. قالوا له كلمة واحدة فقط. Ils ont dit une seule parole. Alors Abu Jahl a dit نعم وأبيك. Il a dit oui, il a juré par autre qu'Allah. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a une ressemblance avec Abu Jahl. Celui qui jure par son père, qui dit sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, et toutes ces paroles de shirk, il a une ressemblance avec Abu Lahab, Abu Jahl. Ça, c'est une parole de shirk. Wal'iyadu billah. El muslim, le musulman, il jure par qui? Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت من حلف بالامانه فقد اشرك. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a commis du shirk. C'est haram. On n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Alors Abu Jahl a dit oui, par mon père Ashra. Il a dit même Ashr kalimat, même 10 paroles si tu veux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قولوا لا إله إلا الله تفلحا. Dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Dites nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée excepté Allah et vous obtiendrez la réussite. Watakhla'un an ma ta'buduna min duni, et vous délaissez tout ce que vous adorez en dehors de lui. Et dans ça on a le sens de la ilaha illallah, et que le tawhid ne peut se concrétiser si ce n'est en reniant l'adoration d'autre qu'Allah et en reniant le droit à l'adoration pour d'autre qu'Allah. Ça ne suffit pas d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Kuffar Quraysh adorait Allah. Tu dois aussi délaisser l'adoration d'autre qu'Allah et renier le droit à l'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, tu seras un mouahid. À ce moment-là, tu seras un musulman. À ce moment-là, ils ont tapé des mains. Wa qalu ya Muhammad, turid an naj'al jami' al-aliha ilahan wahida. Ils ont dit au Muhammad, tu veux qu'on fasse de l'ensemble de nos divinités une divinité unique? Il n'a amra qu'à la ajab. Ils ont dit, ton histoire est vraiment étonnante. Ton histoire est vraiment étonnante. Puis, ils sont partis et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'an dhi dhikr. Bali alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaqu. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب إلى ما بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى donc révélé de surat Sad. Sad par le Coran au nom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme que deux générations avant eux. Avant eux avons-nous fait périr qui ont crié hélas quand il n'était plus temps d'échapper. Et ils, c'est-à-dire les gens de Mecca, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voici une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos divinités. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, c'est-à-dire le christianisme. Wallahu alam, ce n'est en vérité que pure invention. Quoi? C'est sur lui parmi nous qu'on a fait descendre le Coran ou le rappel? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur le Puissant? Il a akhiri hadhihi al-ayat. Et cette histoire et ce hadith est rapporté par le même Ahmad al-Tirmidhi. Le hadith est authentique. من أساليبهم أيضا سب القرآن. Parmi les moyens utilisés pour obstruer le chemin et le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'insulter le Coran. Dans le Bukhari et Muslim, في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن. Donc, concernant le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas élever sa voix lors de la lecture du Coran dans la salat, ni de trop la baisser, c'est-à-dire de ne pas trop élever la voix, afin que les associateurs n'entendent pas, pour pas qu'ils injustement insultent le Coran, mais ne la diminue pas trop, de sorte à ce que les compagnons derrière toi puissent entendre le Coran. Ibn Abbas nous dit que ce verset a été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la période où il cachait quelque peu son prêche, naam, et lorsqu'il priait et élevait sa voix en lisant le Coran, les associateurs insultaient ses paroles. Puis Allah Azza wa Jal lui a ordonné de réciter d'une voix médiane. Dans Sourate Al-An'am, verset 108, Allah nous dit: "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fasubbullaha adwa bighayri 'ilm." Et n'insultez pas ou n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même, naam, jusqu'à la fin du verset. Et de cela on tire une grande qaïda dans le din. Naam, de cela on tire une grande règle dans le din. Ici on nous dit de ne pas insulter ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, afin qu'eux-mêmes n'insultent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Et ça c'est une qaïda qui s'appelle, yani dar'u al-mafsadati muqaddam ala jalbi al-maslaha. Il y a une qaïda, une grande règle dans le din, qui dit que de repousser le mal prévaut sur le fait d'amener le bien. Naam. Le fait de ramener un bien, c'est une chose que le dîn, à laquelle le dîn appelle. Mais si d'apporter ce bien, ça ramène un plus grand mal, alors à ce moment-là, le dîn te dit, n'enlève pas ce mal de la sorte, ou dans ce moment, ou toi, afin que ce grand mal n'arrive pas. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, n'a pas enlevé les idoles. Naam. Comme le dit Cheikh Atiyah Muhammad Salim dans le Sharh al-Arba'in, il nous dit peut-être même qu'il se prosternait, qu'il y avait l'ombre de l'idole sur son dos. Mais plus tard, que s'est-il passé? Ces mêmes personnes qui l'agressaient, ce sont eux-mêmes qui ont cassé les idoles. Parce que c'était pas le moment. Il n'avait pas le nombre, la capacité, la force, et ainsi de suite. Donc, par hikmah, il a délaissé certaines choses sous l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. Sur l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la fin fut bonne. Non pas comme veulent utiliser cette règle certaines personnes qui ont du tamir, de la négligence ou du laxisme, du tasahul. Naam, ils disent, on ne blâme pas le mal, on laisse. Pourquoi? Parce que sinon ça va faire fuir les gens. Subhanallah. On ne blâme pas le mal, sinon ça va faire fuir les gens. On ne dit pas la vérité aux gens, sinon ça va faire fuir les gens. Allahu Akbar. Si ce sont des gens qui fuient lorsqu'ils entendent la vérité, naam, alors on veut préserver ceux qui aiment le haqq. Alors on veut préserver ceux qui aiment le haqq et qui restent pour le haqq. Naam. Amma, de réunir les gens même sur le faux, ça c'est pas la voie de Ahl Sunnah. Il y a un prophète qui va venir yawm al-qiyama, il sera tout seul. Il sera tout seul, mais il n'a pas changé son message pour autre. Il a dit ce qu'Allah lui a dit de dire, il a dit la vérité, personne ne l'a suivi. Est-ce qu'il va changer son message? Hein? Certaines personnes qui prétendent être sur la da'wa véridique, ils font da'wa mais ils sont min ahlil bid'a. Mais kulli saraha. Ils disent, vous faites fuir les gens. Parce que vous parlez de tawhid, vous parlez des gris-gris, vous parlez des marabouts, alors les gens ne viennent plus à la mosquée. Non, parlez du bon comportement. Parlez de la bienfaisance envers les parents. Parlez d'eux. Wallahi, wa rabbil ka'ba, on parle plus de cela que vous. Que ce soit fil masjid, que ce soit dehors, que ce soit dans le khutbah, que ce soit dans les durous. On ne manque pas une occasion de parler de birrul walidayn. Et la khutbah d'aujourd'hui, c'est siatul rahim. Mais mes chers frères, la base, c'est le tawhid. Et s'il n'y a pas de tawhid, Tu peux arriver yom al-qiyam avec birul walidayn. Tu peux arriver yom al-qiyam avec les sadaqat. Tu peux arriver yom al-qiyam avec tout le bien que tu veux. Si tu n'as pas kalimat al-tawhid avec ses droits, tout cela n'aura servi à rien. Wa qadimna ila ma'ami mina amali faja'alnahu haba'an manthura. On a fait avancer tout ce qu'ils ont fait et on a rendu tout cela poussière, éparpillé. Donc, si de faire un bien, ça en mêle un mal plus grand, naam, alors à ce moment-là, par moment, la sagesse est de délaisser cette chose-là pour un temps déterminé. Et c'est ainsi qu'en étudiant la sire, la biographie du prophète sallam, al-da'iya ila Allah, le prêcheur, al-mu'allim, l'enseignant, al-walid, al-um, la mère, le père, les éducateurs, tous ceux qui ont une responsabilité, ils apprennent comment se comporter. Naam, comment se comporter al-zawja, l'époux, l'épouse. Naam, le responsable, le directeur, toute personne en étudiant al-sira apprend comment se corriger, comment se comporter et comment concrétiser le but recherché. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد وجهك ويعاني من مرض أو من مرض والديه فمن عليه يا ربنا بالشفاء فمن عليه يا ربنا بالشفاء فمن عليه يا ربنا بالشفاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.